Did. Et voir ma vie passer, toujours faire du passé. C'était démoli, j'ai tout reconstruit. Mon équipe de maçons m'a suivi. Y'a trop d'ennemis, faut que je rase les feux. Des pleurs au parloir à la belle vie. J'suis toujours moi, des trucs en mémoire, faut même plus j'en parle. Y'a des donneuses de gosses et des belles filles. C'est qui a mis une ou des filles? J'ai vu des fiottes, j'les veux pas en fit. La vie elle est noire comme mes caries. Tire ton souris pour mes galis. J'vais m'en sortir, c'est pas le caïd. Voyons, c'est nous les gars qu'on les cailloux. J'suis avec ce djad, plus les cahiers. Nique pas les comptes des kiloquettes. Rolex Merco, rien n'a changé. J'ai trop vite pas des kilotettes. 9-3 pour de vrai la TP. J'avais pas la vingtaine, pété devant la TQ. J'avais pas la vingtaine, mais j'braquais, va demander au caissier. Chez nous c'est le vice éduc. Maintenant ça a changé. J'passe à la télé comme Sandrine Kétier. J'entends que ça parle de moi, mais moi j'suis vers là-bas. Les petits veulent faire des passes, donc j'leur fais des passes. Maman m'a dit, mon fils tu grandis, faut que tu sois papa. Mais moi j'suis trop dans ça. Déroubé à ce monde, on comprend ça par qualité. Dans le sud ça pue la rue, dans toutes les têtes c'est validé. On est grave serein, faut grave terrain pour tester. C'est que tu peux, ah, pourquoi tu cherches ça te plaît. Pourquoi tu cherches à ta te trait. Tu sais ça qu'on l'est et on paye les affaires. De Sèvres à Roubaix, elle est m'lait. Ils sont tous battus, ils regardent toutes mes affaires. Moi je pense à ma mère. Cette cramée comme banalisée, l'oseille peut plus me canaliser. Bah ouais, j'ai vécu, j'ai analysé, que l'orgueil va me pénaliser. L'argent est sale comme les fesses de la mule, je m'en fous des détails tant que mon truc est caché. Eux ils parlent beaucoup, mais ils ont pas de vieux coups, c'est des grosses poucaves comme tes cachis. En sueur dans le four, j'ai pas froid même l'hiver, fais pas de faute sur le terrain. La CR c'est l'avare, Malia c'est une putain, elle en fout plus d'un. Fils de putain qui voudrait la voir, je mets 500 de coupe dans 500 de pur. Change la mise et mon bénéf à pas. Ils m'ont acquitté mais tu sais le pire. C'est qu'ils veulent pas rembourser ma force. T'es prêté main forte, pas que je voulais que tu t'en sors. Ici bas l'argent c'est important. Mais y'a que nos actions qu'on emporte. Donc je me demande pourquoi on en veut tant. Retour par le bruit c'est embêtant. Vu ce qui m'attend dès que je remonte je me détends. J'ai pas commencé en guettant, non. Je voulais je puis graver en même temps. J'ai failli me noyer à vouloir nager où j'ai pas pied. Et ceux qui n'ont pas de personnalité nous ont copié. Confonds pas ma pitié avec de l'amitié. Le peur à ça devient un métier. Déroubé à ce moment, on se comprend ça par qualité. Dans le sud ça pue la rue, dans toutes les tests c'est validé. On est grave serein, faut grave terrain pour tester. C'est que tu peux, ah, pourquoi tu cherches ça te plaît. Pourquoi tu cherches ça te plaît. Tu sais ça qu'on l'a.